Les Ramones en live, c'est fini avec ce Let's Dance. Ça avait commencé avec Do You Wanna Dance et ça finit avec Let's Dance. Les Ramones en 1978, New York City, jouent à domicile comme très souvent, même s'ils ont parcouru la planète dans tous les sens. D'ailleurs, dans tous les bouquins qui existent, enfin, j'en ai un à l'esprit sur la vie de Monte Melnick, leur road manager. Le bouquin finit en fait avec la liste de tous les concerts faits et vous verrez, si vous regardez ce livre, qu'ils ont parcouru les 5 continents dans tous les sens pendant de très longues périodes et ce pendant presque 30 ans. Donc, respect. On continue tranquillement notre soirée avec Braille Party et White Denim avant une autre séquence nouvelle. We'll be right back. Right, Denim à l'instant sur Lost in Space, Radioactive 100 FM. Et c'est le grand retour de nos rubriques récurrentes, en particulier ici l'histoire de l'underground musical français, qui nous ramène toujours au début des années 80, fin 70, et on va continuer l'exploration de ces musiques que pas grand monde ne connaît, pour être tout à fait franc. Allez, c'est parti. Le phénomène urbain semble alors être un thème que partagent plus ou moins consciemment ces groupes de l'époque à la recherche de formes nouvelles pour transcender ces espaces froids, déshumanisants et pollués. Sur cette même thématique, mais dans un tout autre registre, le label Cobra publie le premier 45 tours du gang punk parisien Metal Urbain Panic Lady Coca-Cola avant que la bande à Eric Desbris ne parte inaugurer le label anglais Rough Trade. Le groupe Hardsoid enregistre à peu près au même moment Symphonie pour le jour où brûleront les cités, 1976, produit par Michel Besset du réseau Tartampion. Dans un style instrumental peu commun, violon, guitare, trompette, des percussions mais pas de batterie, Hardsoid évoque par son titre cette thématique urbaine en jouant un rock de chambre étrange, bizarroïde, accompagné ça et là de voix employant un dialecte imaginaire. Is it possible? Thank you. partir du milieu des années 70, le concept de European Free Music émerge à la lisière des musiques héritières de John Cage, du free jazz américain et de la scène expérimentale et progressive anglaise, Derek Bailey, Evan Parker, Lal Cox Hill, Tony Coe et Fred Frith. Proche de la sphère jazzistique, se confondant parfois avec elle, cette mouvance dite des musiques improvisées, hétéroclite et éparpillée, trouve en ces années quelques lieux, points de rencontre, d'échange et de transmission. Ainsi, Alan Silva, qui s'est définitivement installé en France en 1969, organise à Paris à partir de 1974 des concerts de free music à l'American Center et des stages chez lui, puis dans divers lieux, principalement des caves, sans instaurer une quelconque hiérarchie enseignant-élève. En 1976, le nombre de participants au stage n'ayant cessé de croître, il crée, avec Jim Wilkes et Sandy Dominic, l'Institut Art Culture Perception IACP, dont les deux principaux axes d'enseignement sont la perception musicale et l'improvisation instrumentale. De même, Alain Guarini crée en 1976 le CIM, Centre d'information musicale, qui trouve aussi refuge à l'American Center. Il s'agit au départ de proposer une sorte de centre de ressources administratives et juridiques pour les musiciens. Le CIM se mute très rapidement en une école de jazz à la pédagogie proche de celle de l'IACP. En 1977, le Workshop de Lyon et le Marvelous Band donnent naissance à l'ARFI, association à la recherche d'un folklore imaginaire, et un grand orchestre, la Marmite Infernale. En 1978, à Marseille, André Jaume, Jean-Marc Montera, Gérard Siracusa, Lionel Dublanchet et David Rouyeff fondent le GRIM, groupe de recherche et d'improvisation musicale, qui entre en activité en 1979 avec l'organisation de ses premiers concerts. La même année, le Dunois, un ancien entrepôt du 13e arrondissement de Paris, est retapé avec les moyens du bord et va être, jusqu'à la fin des années 80, le haut lieu de rencontres musicales françaises et internationales avec vue imprenable sur l'avenir. Thank you. Cette création musicale à travers l'improvisation, la recherche acoustique et une philosophie de l'instant est portée autant par les anciens, ceux qui ont animé la grande époque du free, que par les musiciens de la nouvelle génération qui ont souvent grandi en écoutant du rock, Jean-François Pauvros ou Jean-Marc Montera. partir de 1977, Jean Rochard co-organise le festival de Chantenay-Villedieu qui a lieu jusqu'en 1988 et crée dans le même élan le label Natto en 1980. En 1978, Jacques Birocal, Claude Parle et Michel Potage mettent sur pied le Sens Music Meeting qui, le temps de 3 éditions, va aussi rassembler la fine fleur de l'improvisation libre. Les musiques improvisées sont donc en pleine floraison sur le territoire français et annoncent des lendemains rayonnants. Alors Michel Potage, bonsoir. Bonsoir. T'as commencé au théâtre, non ? Oui. T'étais quoi, acteur, metteur en scène ? Je faisais de la mise en scène. Et puis un jour, t'en as eu marre. T'as dit, je peux plus... Non, parce que j'arrivais pas trop à travailler avec des gens. Ouais. Qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ouais. T'as décidé de travailler tout seul. Ouais. Alors, j'ai donc fait de la peinture, malgré moi. Ça s'est passé comment la première fois tu t'es retrouvé devant une toile ? Ça fait quoi ? C'est l'horreur, toujours. Tu sais, en ce moment, je téléphone à quelqu'un. Tu sais qui c'est ? C'est Arletty. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, a représenté énormément de choses. Elle a 91 ans, elle est aveugle. J'aimerais pouvoir lui faire un tableau. Je lui donne ce tableau. Je crois que la peinture, c'est de s'affronter à l'impossible, c'est ça la peinture ? Tout à fait. C'est la définition que tu donnerais. Ouais. T'es parti en Australie pour peindre le grand rêve aborigène. Ça s'est passé comment ? Très mal. J'ai eu Interpol sur le dos. Ouais. Parce que les gens, là-bas, ils vivent à partir du rêve. Ils sont dans le rêve. Et c'est la vie. Tu voulais peindre le rêve. Comment ? Tu voulais peindre le rêve. Oui. Mais j'ai pas pu le peindre. Comme Munch voulait peindre le cri ou Van Gogh oui. Le vent, c'est ça. Tout t'es à parti fait. Pour peindre le rêve. Oui. Tu j'ai pas le peint. Rêve. Non. J'ai trouvé quelque chose, mais j'ai surtout trouvé les gens. Après, tu as essayé de peindre à partir des lettres de Van Gogh à son frère. Tu as peint quoi ? L'horreur. Tu serais qui comme peintre si tu n'étais pas Michel Potage ? Tu voudrais être qui ? Personne. J'essaye d'être personne. I'm nobody. T'as été influencé par qui ? Par Bacon ? J'aime beaucoup. Ça se détruit de plus en plus au fur et à mesure que je regarde les tableaux et au fur et à mesure que je peins. Ça vaut combien un tableau de toi ? Pardon ? Combien ça vaut un tableau de toi ? Ça dépend de la taille. Un petit alors ? Un petit ? Ouais. 10 000. Un grand ? 80, 100. T'écoutes quoi quand tu peins ? Iggy Pop. Tu ressembles un peu, moi. Peut-être. Je ne sais pas. Si. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'importe énormément. Parce que... Si, il y a quelqu'un que j'aime énormément, c'est Loulou. Lou Reed. Ça sert à quoi la peinture, à ton avis ? Je crois que si je fais de la peinture, c'est uniquement pour moi et pour quelques amis, et pas plus. Il n'y en a pas d'autres. Si on devait donner une définition de toi dans le dictionnaire des peintres, tu préférais que ce soit quoi ? Qui aucun dictionnaire. Le free pur jus n'est pas pour autant abandonné. En 1976, François Tusk initie Opération Rhino Création Collective. Cette année 1976 voit aussi la naissance de la compagnie Lubat, délirante troupe menée par Bernard Lubat qui renoue avec la fonction festive de la musique et porte en dérision le côté guindé du jazz intellectualisé et de la musique classique sacralisée. La compagnie Lubat va s'installer à Uzest, mais le mouvement général est plutôt inverse, celui de la dispersion des communautés hippies. celle d'Étrenfous le Loup Blanc repart en ville en 1978, tandis que les autonomes quittent la campagne pour s'installer dans les squats parisiens de Belleville, où ils rencontrent les premiers punks locaux. Dans un registre d'une autre tonalité, voici « Plus rien ne nous retient dans ce pays », une chanson concernant les autoroutes et les restaurants d'autoroutes. Quand je dis « plus rien ne nous retient dans ce pays », je ne veux pas parler de ce pays, mais de ce pays. Autoroute, autoroute, fermeture éclair dans la campagne gelée avec des tirages civilisés. Matin ou soir, c'est pareil. Matin ou soir, c'est pareil. On s'ennuie dans le petit cube, on s'ennuie dans le petit cube. On joue à lire les plaques, on joue à lire les plaques. On s'amuse des pubs de la radio, on s'amuse des pubs de la radio. Jean-Philippe, passe-moi la carte. Vous êtes toujours sur le 100 FM, Lost in Space, Radioactive. À l'instant, nous avons eu Étrenfous le Loup Blanc pour Plus rien ne nous retient dans ce pays. Un magnifique titre, je ne sais pas comment il faut le prendre, même si eux, comme vous avez pu l'entendre, parlent de toute autre chose. Mais on pourrait se poser tout un tas de questions. Et c'est donc la fin de cette séquence Underground Musical français. Les années 70, séquence qui, je sais, plaît beaucoup à notre ami Zoot Allure, du lundi soir 23h, qui fait une excellente émission. Je vous la conseille. Tous les couche-tard comme vous qui écoutez en ce moment devraient, je dis bien devraient le faire, c'est-à-dire écouter le Zoot Allure du lundi soir après Rockside. Donc spéciale dédicace au poteau du lundi, ça c'est fait et ça fait jamais de mal de remercier les amis. Et on continue en musique toujours et avec des interviews, le fameux interview de Sergio Martino qu'on a eu tout à l'heure va continuer, mais avant c'est la femme que vous avez pu voir il y a maintenant une semaine, à l'Oméga. D'après ceux qui étaient sur place, c'était un concert fabuleux. Il y avait aussi Potochkin, nos petits amis de la radio, en première partie. Et donc la femme avec It's Time to Wake Up et Sergio Martino ensuite. Thank you. chose très rare, viens regarder. Contre sa peau, je resterai. Amour, amour, outre-Atlantique, transgénital. Transgénital. Transgénital. Transgénital. Transgénital. Tu reçois cette onde psychique. Vous allez mourir. Je dis la vérité. La vérité. 2023. Thank you. Maintenant, je fais encore de la télévision et je fais presque souvent des films, des comédies sentimentales avec beaucoup de maintenant, j'ai terminé de tourner une TV movie en Afrique, qui est un film d'aventure avec du sentiment dans le même temps. Il y avait un peu d'action, mais dans le même temps, il y avait beaucoup de sentiments. up those stone steps I climb. Hail this joyful day's return into its great shadowed vault I go. Hail the Pentecostal morn. The reading is from Luke 24, where Christ returns to his loved ones. I look at the stone apostle. Think that it's all right for some, and I wish that I was made of stone, so that I would not have to see beauty impossible to define. Impossible to believe, a beauty impossible to endure, the blood imparted in little sips, the smell of you still on my hands as I bring the cup up to my lips. And oh God, up in the sky, and no devil beneath the sea could do the job that you did, baby. Of bringing me to my knees. Outside I sit on the stone steps, well, nothing much to do, alone and exhausted, baby. By the absence of you. Oui, l'assassino, c'est un très, très joli film. C'était un jaloux que j'ai fait au début des 2000, 2001, je crois. Et c'est un film qui a eu qui aussi un bon succès télévisif. J'ai fait une autre série télévisive qui s'appelait Delitti Privati. Je ne sais pas s'il est sorti ainsi en France. Qui a eu très grand succès en Italie. Il était 4 épisodes. Il y a eu beaucoup d'acteurs français aussi, Anne Girardot. Et je me suis, c'est un film que j'ai tourné littéralement dans une petite ville de la Toscana qui s'appelle Lucca, très jolie ville. Il était produit par David Fenech quand elle a fait la productrice télévisive aussi. I am California. I steam my hair. Drugs fall out of diapers. Western stare. I am California. Long walks on the 5. Truck stops in the symphony. And I'll be here when I die. Oh, tips in the symphony. Without got everything I need. I keep it shot, I dart now. Shot me in my heart now. There goes my heart now. There goes my heart. Come on and go ahead, no telling where it will let you, no telling where it might lead. You got everything I need. Everything. Everything. Qui, surtout parce qu'il y avait aussi là, une très grande distribution italienne qui s'appelait Medusa et aussi la Titanus, qui avait un très bon rapport avec moi et avec mon frère. Et c'est passé que quelquefois j'ai eu l'occasion d'avoir la sûreté de travailler toujours. Mais dans le même temps, j'ai donné beaucoup à la production parce que tous mes films, sont rentrés dans les débits prévus et si on a eu de très bons succès. J'ai fait aussi des films avec directement avec des autres producteurs comme Carlo Ponti et aussi avec la Titanus et aussi avec des autres producteurs avec lesquels j'ai fait quelques expériences. Dernièrement, j'ai fait beaucoup de très longues télévision series qui s'appelle Les Carabinieri. Et qui pour deux ou trois ans, j'ai tourné 40 épisodes chaque fois. C'est une production pas de mon frère, mais c'est une production extérieure. À la Filia Production. Que c'est une production avec laquelle j'avais fait avant avec Gianni Ect Lucari, et aussi des films d'action pour la télévision toujours. Thank you. et après là aussi Rally, c'était une histoire pour les ligues. J'ai eu la collaboration pour longtemps avec Rémi Julien. Et les acteurs, c'était Giuliano Gemma. I've ever had been huffing gasoline in my best friend's Trans Am. Life in this town ain't as easy as it seems. It eats up your heart and it spits away your dreams. Well, you hardly think about it, you know it only brings me down. Been working scrubbing dishes at the diner downtown. I'm saving up my money, gonna take a Greyhound. Put my back with what is needed, and I'll never settle down. My voice will shake your bones, or at least I'll have a story this world has never known. Well, come on, baby, say the vision's in my head. Another night in this town, I'll be the walking dead. And maybe my dreams turn to burdens instead. But I'm only 17, and I'm looking for some fun. Getting out of here. Thank you. dans le même temps, il avait beaucoup de la volonté d'avoir la chance d'être bien dans les films. Je crois que les choses meilleures qu'elle a fait avec moi, c'est surtout les comédies. Elle avait un esprit ironique très, très bon. Dans les films de thriller, il a bien cherché d'avoir des résultats, mais sa physicité, c'était un peu un contraste avec les personnages qu'il faisait. En tout cas, tout le monde on me dit « Ah, c'est magnifique ». David Fennec, c'est magnifique dans les films, toutes les couleurs du bois, de ouais. Bouillon, de toutes les couleurs du vice en France. France, ou mais aussi la Signora Ward. Mais je crois que sont ces choses meilleures avec moi, elle a fait dans des comédies comme Cornetti et la Crème, et La Moglie en vacances, l'Amante città. La main de la vie, je ne sais pas le nom français du film. D'accord. Puis j'ai fait beaucoup de coproductions, aussi avec la France, avec Rossi, c'est un producteur qui aimait beaucoup ce genre de film et l'a acheté avant de tourner ce film. Thank you. vous savez que dans ces périodes, on avait beaucoup, c'était un genre de production qui s'est industrielle. Alors on faisait des contrats pour longtemps avec les acteurs, 2-3 films dans chaque année, aussi avec les metteurs en scène. C'est toujours une équipe. Ça, c'est le cinéma industriel. Quelquefois, j'ai changé, peut-être qu'il était occupé pour un autre film, ou l'a appelé, aussi avec Lino Banfi, qui est un acteur comique italien. On avait une autre production, il avait un contrat pour 2 ou 3 années, avec lequel j'ai fait quelques films. Il y avait aussi des autres metteurs en scène qui faisaient des films avec la même. Dernier film avec d'autres genres, mais en tout cas ça c'est le motif avec lequel, et après il y a la familiarité, l'amitié qui c'était important, avec la satisfaction d'avoir eu ensemble un bon succès dans les films, et pour ça on a refait un autre film avec le même cast. C'est une histoire qui évidemment c'est industriellement c'est compréhensible. Bah oui. Ich möchte heute nicht starten. Ich möchte lieber warten. Ich wäre so gern Kassierer auf der Samenbank. Bin lieber ein Befruchter, bin lieber ein Befruchter, bin lieber ein Befruchter als ein toter Astronaut. Auf Cape Canaveral. Ich wär so gern Kastrierter auf der Sandbank. Bin lieber ein Befruchter, bin lieber ein Befruchter, bin lieber ein Befruchter als ein toter Astronaut. Statt dem Vater niemals gehört, hätte ich lieber abgefehlt. Ich wäre so gern Verlierer auf der Samenbank. Bin lieber ein Befruchter, bin lieber ein Befruchter, bin lieber ein Befruchter als ein toter Astronaut. Je l'ai fait avec aussi le frère De Angelis et des autres. Ça n'est pas la même chose. On a la familiarité d'avoir fait un film qui a eu succès. On dit squadra che vince non si tocca, no? Équipe qui gagne, on ne doit pas la changer. Et donc, on a toujours pris les personnages. Maintenant, j'ai fait un film avec. Pour la télévision, qui s'appelle. Les pays de petits plus. J'ai eu un très jeune musicien qui s'appelle Fabrizio Gatti, il a fait une très belle musique et je crois qu'il aura de succès. Dans tout cas, j'ai mon expérience, je l'ai fait aussi avec des autres musiciens. Si je fais, je ne sais pas, je reste pour une période qui ne travaille pas, j'ai l'idée de changer aussi toute l'équipe qui m'appartient. Un de mon collaborateur que j'ai eu beaucoup de fois, il était Giancarlo Ferrando, directeur de la photo et aussi le montage d'Eugenio Labiso. Maintenant, mes choses dernières, je n'ai pas le fait avec lui parce qu'il n'était pas spécialisé pour le montage avec. Le numérique. Dans tout cas, il travaille encore, c'est un très bon ami à moi. faut lui dire, parce que quelquefois j'ai fait des fighting avec lui, avec des tournées seulement avec certaines lumières. J'ai cherché des tournées toujours. Je crois qu'il mettait la photo avec la possibilité qu'il y a, que je vois des effets comme j'ai vu que. Avec une lumière comme ça, nuagée, on peut mettre le soleil. Aussi, dans la même situation, il devient nuit. Et maintenant, la photo, c'est plus facile dans une chance de film, de cinéma industriel. Pour moi, la première chose, qui pour tourner un film, on doit la faire vite pour pas avoir de frais excessifs de débit. Et la photo, on ne peut pas attendre quelquefois qu'il vienne le soleil et passe le soleil. Et avant, c'était plus difficile de compenser la lumière. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on peut tourner dans la condition de lumière comme c'est ici. On vient bien, très bonne photo. Avant, c'était beaucoup plus de difficultés parce que la pellicule, c'était pas tellement fort, il nécessitait beaucoup de plus de lumière. Je me souviens, j'ai vu le film que mon grand-père tournait avec des lampes incroyables qu'il avait parce que la pellicule n'avait pas beaucoup d'intensité. Feed me with your smiles. Feed me. H-Mass à l'instant sur Radioactive 100 FM. C'est donc la fin de Lost in Space. On a écouté plein de choses. Ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble. La nuit est bien avancée. H-Mass, on finit avec Fear God Honor the King. C'est un groupe australien complètement inconnu. Disque ressorti, on se demande bien comment. Et c'est donc la fin de l'émission. Je vais en profiter pour vous souhaiter une très bonne nuit pour ceux qui sont encore en notre compagnie. Vous donner rendez-vous dimanche prochain. Vous laisser avec les programmes de la nuit de Radioactive qui sont les seuls sur la bande FM. On est les seuls à passer ça. Vous allez vous en rendre compte si c'est la première fois que vous les écoutez. En tout cas, restez bien collés sur nos ondes 24h sur 24 si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.